Moi, j'ai un ami qui, dans sa jeunesse, voulait se faire prêtre. Seulement, depuis l'année dernière, il ne croit plus en Dieu. C'est un problème, ça. Quelqu'un qui veut être prêtre. Alors, il vient d'entrer dans une grande compagnie d'assurance, la Providence. Moi, tous mes amis veulent faire du cinéma. Ils se prennent tous pour des Fellini, des Kurosawa ou des Truffaut. Ils se font des illusions. Peut-être, mais on ne sait jamais. De toute façon, faire du cinéma, c'est quand même plus intéressant que d'être dans l'industrie, l'agriculture, le commerce, les affaires, la magistrature, l'armée ou l'enseignement. C'est vrai, mais tout le monde ne peut pas faire du cinéma ou de la télévision. Il en faut des industriels, des agriculteurs, des commerçants, des femmes et des hommes d'affaires, des magistrats, des enseignants et même des militaires. Des cinéastes et des vidéastes aussi, il en faut. L'ennui avec le cinéma, c'est que même avec beaucoup de talent, on n'est jamais sûr de réussir. J'ai un ami qui, dans sa jeunesse, voulait se faire prêtre. J'ai un ami qui voulait se faire prêtre. Prêtre. J'ai un ami qui voulait se faire prêtre. Seulement, il ne croit plus en Dieu. Seulement, il ne croit plus en Dieu. Alors, il vient d'entrer dans une grande compagnie d'assurance. Une compagnie d'assurance. Il vient d'entrer dans une grande compagnie d'assurance. Pourquoi l'ami de Robert qui voulait être prêtre est-il finalement dans les assurances ? Parce que depuis l'année dernière, il ne croit plus en Dieu. Tous mes amis veulent faire du cinéma. Tous mes amis veulent faire du cinéma. Ils se prennent tous pour des Fellini. Ils se prennent tous pour des Fellini. Ils se font des illusions. Ils se font des illusions. Que veulent faire tous les amis de Mireille ? Du cinéma. Est-ce qu'ils vont vraiment faire du cinéma ? Non, ils se font des illusions. Il en faut des industriels, des agriculteurs, des commerçants, des femmes et des hommes d'affaires, des magistrats, des enseignants, et même des militaires. Il en faut, il en faut. Il en faut des industriels. Il en faut des industriels. Comment appelle-t-on les gens qui sont dans l'industrie ? Des industriels. Des agriculteurs. Et ceux qui sont dans l'agriculture ? Des agriculteurs. Des commerçants. Et ceux qui sont dans le commerce. Des commerçants. Des femmes et des hommes d'affaires. Et ceux qui sont dans les affaires. Des hommes et des femmes d'affaires. Des magistrats. Des enseignants. Et ceux qui sont dans la magistrature. Des magistrats. Et ceux qui sont dans l'enseignement. Des enseignants. Et même des militaires. Et même des militaires. Il en faut. Et ceux qui sont dans l'armée. Des militaires. Des cinéastes aussi, il en faut. Des cinéastes aussi. Des cinéastes aussi, il en faut. Et ceux qui sont dans le cinéma? Des cinéastes. L'ennui avec le cinéma, c'est que même avec beaucoup de talent, on n'est jamais sûr de réussir. On n'est jamais sûr de réussir. Même avec beaucoup de talent. C'est ça l'ennui avec le cinéma. L'ennui avec le cinéma. C'est que même avec beaucoup de talent, on n'est jamais sûr de réussir. Même avec beaucoup de talent, on n'est jamais sûr de réussir. Qu'est-ce que c'est l'ennui avec le cinéma? C'est que même avec du talent, on n'est jamais sûr de réussir.